Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, Au voleur, une série documentaire de Jérôme Sandlars réalisée par Anna Schmuck. Au départ de cette série, il y a tous ces films qui racontent le casse parfait, les stéthoscopes sur les coffres-forts, mais aussi la fois où l'on a été cambriolé, celle où l'on s'est fait vider les poches sans s'en apercevoir, et puis cette question « Qui sont les héritiers ?» de Robin des Bois. Alors pour commencer, les personnages. Un anarchiste drôle et brillant, un biographe et une historienne, un cambrioleur justicier, un historien de la belle époque, un écrivain épargné, une comtesse dévalisée, la bande des travailleurs de la nuit, des policiers piqués au vif, un acrobate, 22 complices et une femme qui relit des lettres d'amour. Ensuite, le décor. Un journal anarchiste, Le Monde Piété, Marseille, le vol politique, la guerre à la bourgeoisie, le rejet de la propriété, la lutte des classes, la redistribution, le capitalisme ennemi, une fiction radiophonique, un crapaud apprivoisé, des pseudonymes, la rue Quincampoix, des beaux yeux, Abbeville, une chasse à l'homme, un procès, la peur des attentats, le bagne en Guyane, un dernier amour et un joyeux suicide. Aujourd'hui, deuxième épisode, on sème la pagaille. Il y a des voleurs qui prennent 1000 précautions pour ne pas abîmer les meubles. Moi, pas. Il y en a d'autres qui remettent tout en ordre après leur visite. Moi, jamais. Je fais un sale métier, mais j'ai une excuse. Je le fais salement. Je sais de quoi je parle. Cambrioler, c'est ma vie. On ne choisit pas sa destinée, mais je ne me plains pas. Je veux bien, Josette, que vous me disiez ce petit texte que vous avez écrit. L'impossible oublie. Tout homme a droit au banquet de la vie. Josette Passas. Celui qui proclamait ces paroles était un être immense, hors norme, hors la loi, un rebelle d'une intelligence prodigieuse. Très robuste, il avait un courage surhumain, car il avait survécu 23 ans dans l'enfer du bagne en Guyane, dont aucun prisonnier ne sortait vivant. Je l'ai rencontré dans l'Indre en 1952, où il vivait solitaire avec ses 3 chattes et son chien négro. J'ai été fasciné. Je suis entré dans sa vie pour l'inviter au banquet. Il était heureux. Il chantait. Il dansait sa joie et ses bras arrondis au-dessus de sa tête, formés comme un arc-en-ciel. Un jour, il a détaché un fragment de la chaîne en or, finement ciselé autour de mon cou. Comme il avait programmé sa mort, il a pu l'emmener avec lui, à l'intérieur, pour le garder toujours dans le secret de la vie qui continue. Quand je me recueille et médite sur sa tombe, je sais que l'oubli est impossible. Quand vous repensez aujourd'hui, 65 ans après, à cet élan amoureux, à cette passion, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit ? Cet homme était extrêmement intelligent. Il avait d'abord des yeux noirs, ce qui est très rare, des yeux extrêmement vifs. J'étais séduite par l'intelligence de cet homme et puis d'avoir cette foi dans son idéal, cette honnêteté, cette probité, parce que un voleur qui ne garde rien pour lui, c'est assez rare. Et ça, il disait bien qu'il allait manger dans un petit restaurant et qu'il donnait cet argent aux libertaires pour le journal, et même il en donnait à sa mère qui le distribuait aux pauvres. Vraiment, c'est ce qu'il voulait rétablir, lui, l'inégalité entre les riches et les pauvres, et il l'a fait vraiment, quoi. Un homme qui a une belle âme, même si c'est une âme de cambrioleur. Tu sens ? Alexandre Marius Jacob. Tu sens pas ? Anarchiste cambrioleur. L'or. Par Jérôme Sandlars et Anna Smuck. Odeur un peu acide. lourde. Ça coupe comme l'herbe. Je te dis qu'il y a de l'or. Là où on peut faire le parallèle avec le personnage de Georges Randall dans Le voleur de Georges Darien, c'est que la figure d'Alexandre Marie Jacob appréhende le vol vraiment comme un métier. Absolument. La preuve, c'est qu'il le disait à sa dernière compagne que lorsqu'il partait voler, il avait sa sacoche, ce qu'il appelait lui-même sa contrebasse, et qu'il avait l'impression d'être l'ouvrier qui partait à l'usine. C'est pas pour rien qu'il s'appelle les travailleurs de la nuit. Hein, même si dans le jargon des bas-fonds parisiens, le mot travail signifie soit se prostituer, soit cambrioler. Son premier vol marquant, ça va être lequel, Jean-Marc Delpech? Indubitablement, c'est le vol du monde piété de Marseille, hein, dont Alexis Danan dira qu'il a fait rire Marseille jusqu'aux larmes et la France entière. Ça va, Léon, j'ai l'air assez flic. Marius, t'aurais dû faire du théâtre. Pour un peu, je m'y tremperais. Bon, allez, Zou, on y va. À toi l'honneur. Police, ouvrez! Alphonse Gilles, commissionnaire du Monde de Piété. Oui. Inspecteur Ponce et Bayard, nous aimerions voir les objets que vous gardez en dépôt. Oui, bien sûr, mais qu'est-ce que... Allons, ne perdons pas de temps. On nous a signalé que ces objets n'auraient pas une origine régulière. Vous voulez dire... Qu'ils auraient été volés. Volés? Et ce qui n'arrange rien, les derniers en date l'auraient été à la suite d'un assassinat. Oh mon Dieu! Vous ne pensez tout de même pas que je... Nous ne pensons rien. Ouvrez votre coffre, je vous prie. Oui. Et donc ils en profitent pour tout prendre. De suite. Monsieur pour tout réquisitionner. Vous savez, je suis un honnête fonctionnaire. Un livre de compte, s'il vous plaît. Et ils réquisitionnent aussi le Sieur Gilles et son employé, qu'ils vont aller laisser voilà. Devant le palais de justice de Marseille. Bien. Nous allons procéder à l'inventaire. Je note. En ce jour, 31 mars 1899, après avoir fait procéder à l'ouverture du coffre du Sieur Gilles, nous trouvons... Deux paires de chandeliers. Une parure or sertie de diamants. Une parure... Trois alliances. On divorce beaucoup par ici. Assiette de Limoges. Une ménagère en argent. Tiens. Où se trouve la ménagère sur vos livres de compte? Mais ici, inspecteur Voyer, regardez là. Ce que je vois, c'est qu'il ne fait nulle référence au poisson qu'elle porte. Ah ben, croyez que si une erreur a été commise, vraiment, c'est que c'est vraiment indépendant de ma propre... Et cette montre? Eh bien... Elle est sur la liste des objets volés à leur propriétaire assassiné. Mais c'est impossible. Nous allons vous demander de nous suivre. Ce vol, il ne le commet pas tout seul. Il est extrêmement préparé et scénarisé, puisque les quatre policiers, dont un qui est ceint d'une écharpe tricolore et qui se présente comme étant le commissaire Ponce, et trois simples policiers, dont Alexandre Jacob, son père Joseph et un anarchiste Morel. Le commissaire Ponce a un étoître qu'Arthur Rock, le professeur de vol de Jacob. Ce qui permet d'affirmer que, finalement, très vite, Jacob fréquente des milieux pas très clairs. Il naît où? Que font ses parents? Alexandre Jacob naît à Marseille le 28 septembre 1879. Père Joseph, mère Marie Berthoud. Elle tient la boulangerie familiale de ses parents. Lui aurait arrêté la navigation pour se fixer sur une boulangerie. Leur jeune fils Alexandre, il fait quoi? Des études? C'est un bon élève. Il passe son certificat d'études en 1890-1891 et immédiatement, il arrête pour faire en fait comme son père. À cette époque-là, il a à peu près 11 ans, c'est ça? Quand il s'engage comme mousse? Oui, il a environ 11-12 ans et la navigation va durer 3-4 ans. Alors ce qui est étonnant quand on parcourt les écrits d'Alexandre Marius Jacob, c'est qu'on se rend compte d'abord qu'il écrit très bien, mais ensuite qu'il n'y a pas une faute d'orthographe. Alors qu'il a quitté l'école à 11 ans. Cette... capacité à écrire d'une manière parfaite, lisible, compréhensible, j'allais dire, est le propre de beaucoup d'anarchistes militants à l'époque, qui sont souvent autodidactes. Ne pas oublier que l'anarchie à l'époque, c'est pas que la propagande par le fait, c'est aussi la propagande par l'écrit. Les brochures anarchistes circulent partout, et le cas de Jacob n'est absolument pas extraordinaire. Des cas comme Paul Roussinck ou même Eugène Dieudonné permettent de voir que ces gens-là s'instruisent tout seuls. C'est pas pour rien que Raymond Calmin, de la bande à Bono, se faisait appeler Raymond La Science. Alexandre-Marie Jacob, d'ailleurs, il va lire Jules Verne, il va lire... Donc Jules Verne, donc Alexandre Dumas, donc Darien aussi, qui passe en feuilleton. Darien, qui est donc l'auteur de Le Voleur, notamment, qui va donner un film avec Jean-Paul Belmondo dans le rôle de Georges Randall. Oui, dans le film de Louis Malle. Enfin, Le Voleur, ça date de 1897, c'est-à-dire à un moment où Alexandre Jacob a abandonné la navigation et penche de plus en plus vers l'illégalisme. Puisque 1897 est vraiment une année clé dans la vie d'Alexandre Jacob. Voleur ! Qu'est-ce qui se passe ? Arrêtez-le ! Un vol en plein jour, c'est illégal. Où s'arrêtera l'audace des malfaiteurs ? On se le demande. En fait, l'idée communément répandue dans les milieux anarchistes, c'est que le vol... Anne Stenner, sociologue. Il est ni à condamner, surtout pas selon les critères de la morale bourgeoise, ni à sacraliser, mais pour certains... C'est en soi une forme de lutte, la reprise individuelle, une sorte d'acte de guerre contre la bourgeoisie et peut-être l'acte de guerre le plus efficace. Donc c'est des gens qui travaillaient mais qui en même temps avaient des petites pratiques illégalistes, notamment sur les loyers, ne jamais payer son loyer, déménager à la cloche de bois, mais ça vraiment il y avait beaucoup d'ouvriers qui le faisaient hein, de toute façon. Des gens qui pratiquaient la fausse monnaie, qui pratiquaient le vol à l'étalage, donc ils ont ces pratiques déjà. Beaucoup aussi, comme ils fuient le service militaire, du coup circulent avec des faux papiers. Et donc ça, c'est déjà l'habitude de l'illégalisme. Ah, monsieur Mouratet, vous n'avez vu sortir personne. Personne ? Et toi ? Personne. Il a peut-être fui par les toits. Les coquins sont aujourd'hui d'une ingéniosité déconcertante. Les gens aussi sont d'une telle imprudence. Mon collier ! Marseille est une ville... qui depuis 1880 renaît socialement à gauche et même très à gauche avec le mouvement libertaire. Mais avant, Alexandre Jacob va intégrer un groupe de jeunes libertaires qui s'appelle la Jeunesse Internationale, à l'intérieur de laquelle, nous disent ses autres biographes, il va faire les 400 coups, notamment jeter des boules puantes dans des églises, faire des bulletins de vote avec des fumigènes, etc., etc. Mais progressivement, plus l'activisme de Jacob se révèle, plus il se révèle aussi à la police. Or, faut pas oublier qu'en 1897, on n'est que 3 ans après les lois scélérates de 1893-94, qui mettent fin, de gros guillemets sur le mot fin, parce que ça a continué après, hein, à ce qu'on a appelé la propagande par le fait, Ravachol, Henri, Caserio, et qui organise une véritable chasse aux anarchistes. Autrement dit, quand on repère en 1897 un gamin de Marseille d'à peine 17 ans, extrêmement activiste, c'est très facile de l'arrêter. Mais à sa libération, la police ne va plus le lâcher. Il va travailler dans une fonderie, par exemple, en 98 à Marseille, comme typographe, ouvrier typographe. Il sera même apprenti pharmacien. Et à chaque fois, la police intervient, fait pression pour qu'il soit viré. Casé plus de père, casé plus de mère, une vraie enfant de la misère, élevé par des paysans. Et comment naît cette envie de voler ? Finalement, comment elle s'inscrit dans cette démarche anarchiste libertaire ? Elle repose sur le constat de la lutte des classes et sur le droit à l'existence. Alors c'est très drôle parce que quand j'ai soutenu ma thèse en juin 2006, il y avait un des membres du jury qui me demandait « Mais vous pensez réellement, comme vous l'affirmez, que Jacob puisse être un théoricien du vol ?» Et c'est bien le problème de certains historiens qui n'arrivent pas à maîtriser l'histoire d'un mouvement qui n'est pas institutionnel. Et qui arrive surtout pas à admettre que quelqu'un qui vient des basses couches de la population puisse être à la fois un acteur militant, un voleur, un bandit et un intellectuel qui va théoriser ses actes. On est quand même dans une époque qui est marquée du sceau de la révolution industrielle, qui est marquée de ce que Marx va définir comme la lutte des classes, avec une bourgeoisie triomphante, un prolétariat qui use sa vie dans les usines, et des gens comme Alexandre Jacob sont révoltés par ce constat-là. Le camphre ? Eh oui, le camphre. Donc la fourrure. Un bras. Chut. Deux bras. Chacun le sien. Ça fera plaisir à Broussaille. À qui ? À Broussaille, ma sœur. Elle habite Londres, tu la verras bientôt. Viens. Le vol est en quelque sorte un peu une graisse, une huile qui vient permettre au rouage de la société de fonctionner parce qu'il y a cette idée que tout le monde vole, de façon plus ou moins visible, plus ou moins morale, et que d'une certaine manière, le bon voleur, c'est celui qui le fait de façon explicite, tout en donnant effectivement le sentiment d'être un organe utile dans la mécanique sociale. Hein, c'est un peu cette idée qu'on retrouve aussi chez Marx, hein, d'une certaine manière, dans lequel effectivement Marx montre qu'il y aurait toute une nécessité de la redistribution par le biais du vol. Et on retrouvera évidemment ça dans toutes les théories suivantes de la reprise individuelle. Que Alexandre Barney Jacob, c'est celui de Clément Duval, 1886-1887. Oui, Clément Duval, c'est sans doute le premier, le fondateur, même si ce n'est pas une figure très très connue. Dominique Khalifa, historien. Mais Duval est un militant anarchiste qui, un des premiers effectivement, avec une bande de voleurs dites les panthères des Batignolles, a commis effectivement un certain nombre de cambriolages. Et c'est à son procès, en octobre 1887, qu'un certain nombre de compagnons, hein, comme on les appelait, ont défendu l'idée de la reprise individuelle comme un droit révolutionnaire. C'est-à-dire que non, Duval n'a pas volé, disent-ils, non, Duval n'est pas un bandit, c'est tout simplement un militant qui pratique effectivement une juste et nécessaire reprise individuelle, réponse au vol légal que les patrons, les capitalistes, les propriétaires, les bourgeois de sous toutes les, leurs formes pratiquent régulièrement. Juste un mot quand même pour dire que cette question de l'illégalisme, du vol, de la reprise, fondamentale dans la pratique des anarchistes de la fin du 19e et du début du 20e, n'a jamais été quelque chose de consensuel. Hein. Au même moment, dans les années 90, on va voir effectivement d'autres militants prôner par exemple la propagande par le fait, l'attentat, et beaucoup plus nombreux encore, des militants prôner le syndicalisme révolutionnaire. Les individualistes, les illégalistes qui sont des individualistes, et bien sûr, in fine, il y aura aussi Bono et la bande à Bono dans les années 1911-1912, ne sont qu'une poignée. Hein. C'est juste une proposition parmi d'autres qui n'a jamais fait le consensus absolu dans les milieux libertaires. Mais effectivement, la figure majeure, c'est Jacob, parce que Jacob récupère ses caractères sensationnels et remarquables. Il est sympathique, il fait rire la galerie d'une certaine manière. Et il y a ça dans le voleur, et chez Jacob comme chez d'autres, l'idée effectivement d'être une personnalité hors du commun et qui parvient effectivement à éprouver lui-même et à faire éprouver aux autres des sensations extraordinaire. J'ai des projets, Randall. Des projets immenses. Et je suis pas tout seul. J'ai des amis qui m'attendent. Nous allons frapper. Fort. Frapper qui ? Le monde en tant que la force. Eh bien, on va lui parler. On va le changer. Le remodeler. Lui donner face humaine. Tu trouves qu'il est beau, le monde ? Non. Eh bien, on va s'y mettre. Toi, moi et les camarades. Mais d'abord, il faut désosser la vieille carcasse bourgeoise. Parmi ces bourgeois, qui sont sa principale cible, il y a des militaires, des prêtres, des rentiers. Absolument. Et c'est drôle parce qu'il sera beaucoup plus vengeur chez les curés, puisqu'il laissera des billets signés Attila, hein, le fléau de Dieu. Ça sera des rentiers comme le Volguénard à Amiens, dans la maison duquel il trouve des monceaux de pièces d'or, dont certains Louis et certains Napoléon. Ça sera des militaires comme l'amiral Aubry de Lannoy à Cherbourg, ou même des enseignes de navires comme Julien Viau à Rochefort, etc., etc. Bref, tout ce qui représente, j'allais dire, le veau d'or capitaliste tel que Kupkal a pu le dessiner dans l'assiette au beurre. Belle baraque, elle promet. Les scellés sont toujours sur la porte. C'est bon, le proprio est absent. Normal, il navigue. Julien Viau, officier de marine. On va alléger sa cargaison. Passe-moi les caroubles. On est méfiant dans la marine. Il s'est fait poser une serrure au coriace. Tant pis pour lui. Je dégonde. Et voilà. Bienvenue à bord. N'oublie pas de refermer. Pas de danger, Marius. Avec le truc que tu as fabriqué, même sans gants, une porte à l'aéropoil. Tu aurais dû te présenter au concours Lépine. Ce truc inventé par le préfet de police? Merci bien. Chut. Il y a quelqu'un dans la rue. Ah, c'est bon. Il s'agissait d'un passant. Marius, ton truc, c'est champion. Il suffisait d'y penser. Ça ne me serait pas venu à l'idée. Mettre un crapaud dans la conduite d'eau donnant sur la rue. Eh, comme tous les crapauds, Ravachol adore chanter. Mais il est timide. Il s'interrompt dès que quelqu'un approche. Comme signal, on ne fait pas mieux. Allez, maintenant, on peut y aller. Allume. Mince de turne. Regarde-moi ça. Tableaux, meubles anciens, lustres en cristal. Mais, attends. Éclaire au mieux le tableau. Le visage du type me dit quelque chose. Il y a un truc écrit en petit, là. Julien Viau dit Pierre Loti. Eh merde. Ben quoi? Pierre Loti, l'écrivain. On est chez lui. On n'est pas chez Viau? L'évidence, c'est la même, on n'a pas fait gaffe. Loti, c'est son nom d'artiste. Qu'est-ce qu'il fout déguisé en bédouin? Il adore l'exotisme. Allez, on remet tout en place. Hein? Règle numéro 1, on vole les parasites et les exploiteurs. Les écrivains n'en sont pas, c'est des travailleurs de la plume, comme nous. Tu écris, toi? Pas avec cette plume-là. Donc en fait, très vite, on se rend compte que Jacob n'agit pas seul et qu'il a des complices. Il commence à constituer une bande, en fait. Après le coup du Mont-de-Piété, Jacob se réfugie à Sète. Et c'est chez l'anarchiste Sorel qu'il aurait eu l'idée de mettre au point une organisation de type industriel, quasiment du taylorisme du vol. Il faut savoir que les travailleurs de la nuit, puisque c'est comme cela qu'ils s'appelaient, vont œuvrer de 1900 à 1903. Et la première chose, c'est il faut envisager l'entreprise, j'allais dire de manière verticale, de l'acte jusqu'à l'écoulement. Jacob va diversifier, il le dit, j'ai voulu éviter le parasitisme du receleur. C'est pour ça qu'il avait acheté une fonderie rue Michel-le-Comte à Paris. On peut imaginer que c'était là, non? Dans ce local où il y a des ouvriers qui sont en train de travailler, là? Absolument, et c'est certainement par là que sont arrivés les 72 kilos d'or et d'argent volés chez la comtesse de Frézal à Compiègne. Jacob avait loué deux chariots pour les amener jusqu'ici. Et donc ça nous permet d'entrevoir tout un système de réseau, puisque les titres volés étaient écoulés sur Londres. Les pierreries, diamants et autres joailleries étaient écoulées sur Rotterdam, à Amsterdam, tandis que tout ce qui était argenterie finissait donc dans le magasin de Brunus, qui n'était en fait qu'un prête-nom, puisque la fonderie appartenait à Alexandre Jacob. On se trouve en face d'un puits certainement daté du XVIIIe siècle, je dirais, qui permet de refroidir l'or fondu, l'argent fondu, toute cette métallerie volée. Ensuite, pour voler de manière la plus discrète possible, Jacob s'est acheté des lots de friperies. De cette manière-là, ils peuvent passer dans les trains comme de bons bourgeois. Donc ils se déguisent. Absolument. Et ils possèdent plusieurs cartes d'identité, plusieurs pièces d'identité qui fait qu'ils passent inaperçus. Quand ils ne volent pas, par exemple, à Paris, il est l'antiquaire Escande. Quand il signe certains de ses télégrammes pour avertir ses collègues d'un cambriolage à faire, il signe Georges. Il apparaît aussi sous le pseudonyme de Ferrau, par exemple, F-E-R-A-U. J'ai rapporté ça aux États-Unis. Un bijou. La pince, le pied, le tournevis, le rossignol, la tâteuse. Ils sont du beau matériel en Amérique. Et tu n'as rien vu. Edison a inventé une petite batterie. Elle se porte dans un étui à jumelles. On y branche la scie, la vrille. Ça travaille pour vous. Ça vous éclaire en même temps. J'en ai acheté une. De Frévoir. Il est tellement malin, tellement ingénieux, qu'il va même monter une quincaillerie pour pouvoir se faire livrer les derniers modèles de coffre-fort et pouvoir les étudier pour être le plus efficace possible lorsqu'il se retrouve sur le terrain. En fait, il est très probable que cette quincaillerie n'en soit pas une, mais soit l'arrière-boutique d'un cordonnier qui s'appelait Narcisse à Toulouse. Et c'est certainement chez ce Narcisse qu'il a pu faire venir, notamment des États-Unis, certains coffres-forts pour mieux les étudier. Or, c'est à Toulouse que Jacob se réfugie à la fin de l'année 1901, après le coup de la rue Quincampoix. Mmh. Et alors là, on arrive devant le 76 rue Quincampoix, dans le 3e arrondissement à Paris. Et que s'est-il passé ici, Jean-Marc Delpech ? Le 6 octobre 1901 a eu lieu au 76 la rue Quincampoix, entre le 4e et le 5e étage. Un des cambriolages les plus fameux de la bande des travailleurs de la nuit. Ça y est, on arrive au 4e étage. Sonnerie. On va voir si les gens sont là. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Vous désirez ? Pardon de vous déranger. En fait, on mène une enquête. Oui. Sur une grande figure du vol qui a existé au début du XXe siècle, qui s'appelle Alexandre Marius Jacob, et qui aurait commis un cambriolage dans votre immeuble. Le 6 octobre 1901. Est-ce que vous seriez d'accord pour qu'on essaie de reconstituer un petit peu ce qui s'est passé ? Bien sûr, moi, tout à fait d'accord, je veux bien. On vous suit ? Oui. Entrez. C'était qui ce fameux voleur ? C'est pas Arsène Lupin ? La réalité, elle dépasse largement la fiction littéraire inventée par le génie qui était Maurice Leblanc. Alexandre Marius Jacob a bien existé. Là où on se trouve est le lieu d'un de ses cambriolages les plus célèbres, puisque la police même de l'époque a été surprise du mode opératoire. Les cambrioleurs ont percé un trou dans le plancher, ce trou donnant donc sur le 4e étage. À partir d'un tout petit trou, ils ont glissé un parapluie. Et alors ensuite, ils ont ouvert ce fameux parapluie dont vous parliez, Jean-Marc Delpech, pour recueillir l'ensemble des gravats au fur et à mesure qu'ils agrandissaient le trou. C'est bien ça ? Absolument. Une fois que le trou plus grand est fait, il suffisait d'une corde à nœuds pour descendre dans l'appartement du 4e. Ils ont percé le coffre-fort du bijoutier et se sont emparés des bijoux, des titres de rente et autres menus monnaies. Le tout, effectivement, pour plus de 120 000 francs de l'époque. C'est intéressant, hein ? Hein, vous ne doutiez pas que chez vous avait eu lieu un cambriolage ? Non, je ne doutais pas de ça. C'est vraiment intéressant. Qu'est-ce que vous saviez sur votre immeuble, rien ? Si, moi j'ai appris que c'était autrefois un hôtel de passe, mais c'est tout ce que je sais. Je ne peux pas vous dire d'autre chose. Voilà. Pour pégrer proprement et avec assurance, il faut que tous tes plans soient bien tirés d'avance. Si des difficultés te tiennent en éveil, passe une nuit dessus, la nuit porte conseil. Pour la guerre au château, tu ne... Les vols des travailleurs de la nuit sont des vols réfléchis. Ils sont imaginés à partir de deux types d'ouvrages, la carte des chemins de fer et les Gotha Mondains, l'almanach de Gotha par exemple. Et donc on fait des tournées par le biais du chemin de fer. C'est ce qui permettra à Alexandre Jacob de dire lors de son procès qu'il faisait de la décentralisation. C'est deux, trois voleurs. Il y en a un premier qui part en éclairage, qui s'arrête dans une ville, qui va faire une tournée d'inspection, qui va poser des scellés, c'est-à-dire des petits bouts de papier qu'on colle dans l'encoignure d'une porte, et qui va effectuer une deuxième tournée pour voir si ces scellés sont en place. Autrement dit, il va repérer les maisons inhabitées. S'il est sûr que les maisons sont inhabitées, il va envoyer un télégramme à ses deux complices qui sont restés en arrière et qui les rejoindront. À ce moment-là, la troupe, donc de trois cambrioleurs, effectue le cambriolage et part avec le butin par le dernier train du soir. Il faut être rapide, sinon l'entreprise peut échouer. Et Jacob écrit à Josette qu'il lui arrivait de tenir plus de 72 heures sans dormir car il se piquait à la caféine. Le grand craquet est bien proche, mais la vaste sacoche de tous les suceurs d'or. Par le jeu d'une pompe, jusqu'à ce qu'elle en rompe, s'emplit encore. Bientôt montagne énorme, le capital se forme, du travail non payé. Et on peut, à travers les sources, établir des tournées de cambriolage. Comme par exemple, de Paris, on va descendre sur Orléans. D'Orléans, on rejoint Nantes. De Nantes, on descend jusqu'à Niort, de Niort on va descendre jusqu'à Rochefort, et de Rochefort on va rejoindre Poitiers, Poitiers-Orléans, retour à Paris. Sachant qu'à chaque fois, le butin peut être plus ou moins divers. Entrez. Ah, inspecteur, vous avez fait analyser l'écriture des Bristol ? Le graphologue est formel, commissaire. Que les cambriolages aient eu lieu à Nice, Cherbourg ou Beauvais, l'écriture est de la même. Bien. Et tous les libelles sont dans le même esprit. Moquerie de l'autorité, de la propriété, des institutions. Nous sommes en présence d'un groupe d'anarchistes. On réactive nos indicateurs. Et comment? Ces lascars ont l'air particulièrement malins. Voilà des mois qu'ils opèrent sans que personne n'ait pensé à nous faire remonter l'affaire. Bon sang. Nous sommes pourtant la sécurité nationale. À croire que non. Oui, mais les vols ont lieu partout. Difficile de faire le lien entre un cambriolage à Menton et le pillage d'une église à Compiègne. Nous sommes en 1903, pas au Moyen-Âge. Il serait temps de donner à la police une organisation digne de ce nom. En attendant, je veux qu'on croise toutes les informations qui nous remonteront avec le fichier de la sûreté, c'est compris? Il en sortira bien un nom. Même chez les anarchistes, il y a toujours un leader. Celui qui écrit les Bristol, par exemple. Au train où vont les choses, une certaine opinion finira par les approuver. Oh, tout de même. Vous verrez. On commence par rire, puis on applaudit. La populace aime les mandrins, les cartouches, les Robin des Bois. Qu'on s'en prenne aux riches, lui procure le sentiment qu'on la venge. Qu'on la venge? Mais de quoi, grand Dieu? Et de tout. De sa condition, d'un travail trop dur, d'un salaire trop bas, du prix du pain, des loyers, du froid, de la pluie, de la grêle. Tout, je vous dis. Et nous voilà au 9 rue d'Orcel, dans le 18e arrondissement à Paris. Toujours en compagnie de Jean-Marc Delpech, le biographe d'Alexandre Marius Jacob. Sur le 9 rue d'Orcel se trouvaient les locaux du Libertaire. Et Alexandre Jacob a dit à Alain Sergent en 1950 que c'était notamment grâce à ces cambriolages que le Libertaire, donc le journal fondé par Louise Michel et Sébastien Faure, avait pu acquérir ses locaux dans cet immeuble. Est-ce qu'il est vrai que 10% des butins étaient reversés à la cause? Alors c'est ce que Jacob écrit à Jean Métron en 1948 dans ses souvenirs racis d'un demi-siècle. Il rajoute aussi que la question des 10% a été très vite remise en cause. Ce qui est sûr, c'est que Jacob, lui, s'y est tenu. La police, d'ailleurs, a été étonnée de voir comment le personnage pouvait vivre chichement dans Paris, dans son 18e arrondissement, rue Leibniz, ne comprenant pas pourquoi il logeait en garni, pourquoi il mangeait dans des bouillons à dessous. Alors que la presse de l'époque lui donne quelque chose comme 4 millions de francs de butin dérobé. Quoi. Est-ce qu'on a une idée, Jean-Marc Delpech, du nombre de cambriolages qui ont été commis par Alexandre Marius Jacob et sa bande des travailleurs de la nuit? On sait que Jacob a avoué 156 cambriolages, mais que sur la période hors midi. Faut aussi prendre en considération les cambriolages non avoués. Et ne serait-ce qu'en prenant le plus petit multiplicateur, on en arrive à quasiment plus de 300 cambriolages de 1900 à 1903. L'action, Georges. Tout est là. Tu as pris les bijoux sans réfléchir. Ça me paraissait évident. C'était plus fort que vous. Je la connais, cette force irrésistible. Je la connais bien. Tout y passera. Vos heures, vos songes, vos peines. Et ce ne sera ni pour le profit, ni pour le scandale. Je n'ai jamais pensé bassement. Vous n'êtes pas un bourgeois, mais un voleur. Un être à part, complètement à part. Le luxe. Et comme tel, vous resterez incompris des médiocres. Vous êtes leur face interdite. Que voulez-vous? Eux aussi cherchent une certitude. Ils s'accrochent aux apparences. Vous, vous traversez les murs. C'était en 1900 à Paris. Je travaillais alors en intermède avec un Napolitain acrobate chez Medrano. Travail très spécial. Quartier riche, hôtel particulier. Lettre d'Alexandre Jacob à Josette Passas, 29 juin 1954. Pendant l'heure du dîner, le soir, lui, avec aisance comme un singe, grimper aux fenêtres entrouvertes au premier étage. Et en 4 à 5 minutes, butiner dans les vides poches. Regardez mon signal et leste, redescendez agrippé au saillie du mur. La récolte était toujours copieuse, très payante. Non loin de Medrano, il y a sans doute encore, un petit hôtel de 2 étages dont les fenêtres du rez-de-chaussée n'étaient pas grillagées. Je dis à l'Italien, laisse-moi faire celui-là. D'accord. J'entre par la fenêtre. Il est 7h, 7h30. J'allume la lampe électrique et, comme j'ouvre l'armoire à glace, le reflet d'Issel me projette une femme. Je suis fait comme un rat. Je m'avance vers elle, en lui projetant le faisceau du rayon lumineux, en le regardant fixement. Et comme je suis auprès d'elle, figée comme extatique, elle me tombe dans les bras, sans un cri d'alerte. À peine avec un souffle, elle me dit « Chérie ». Dans ces moments-là, on n'a pas le tricotin. Je ne pensais absolument pas à ça. Mais comme elle me serrait comme dans un étau, elle me viola. Elle me demanda pourquoi j'étais là, je lui dis la vérité. « Fouille !» me répond-elle. Je manque d'aplomb, ne prends rien, je regarde le signal dans la rue, la voie libre, je m'échappe. Mon copain à qui je raconte l'alerte me traite d'idiot et le lendemain, sans rien en dire, retourne au même hôtel, seul. Le surlendemain, je lis sur le journal qu'une tentative de vol aurait été commise à l'hôtel de la comtesse Tamara Derlanger. Le voleur poursuivi par les agents n'avait pu être pris. C'est la comtesse elle-même qui avait donné l'alarme. L'Italien n'avait pas les yeux qu'il fallait. Commissaire, en ressortant les affaires qui pouvaient présenter des éléments comparables, je me suis souvenu de cambriolages survenus dans le midi lorsque j'étais inspecteur. Parmi elles, un vol chez une comtesse et un Bristol, déposé par le voleur qui s'était auparavant rendu coupable d'un tour pendable à Marseille. Ce Bristol ? Et je l'ai demandé au greffe du tribunal, c'est la même écriture. Et son auteur se nommait ? Alexandre Marius Jacob. Il figure officier des anarchistes particulièrement dangereux. Bien. Très bien, Duval. Les camarades avec lesquels il a milité, ses complices marseillais de l'époque, les articles qu'il a pu écrire, les feuilles de chou qui les ont publiées. Tout, je veux tout. Vous l'aurez. Nous y travaillons déjà. Que Jacob savoure sa liberté. Il n'en a plus pour longtemps. Jusqu'au jour où Alexandre Marius Jacob et certains membres de sa bande se font pincer. Alexandre Jacob est accompagné de Félix Bourg et de Léon Pélissard pour un cambriolage à commettre en Picardie, à Abbeville. On est le 21 avril 1903 et le cambriolage avorte parce qu'ils se font repérer par les voisins. Et là, Alexandre Jacob ordonne la retraite et les trois cambrioleurs s'enfoncent, j'allais dire, dans la campagne picarde pour essayer de trouver une gare pour rentrer le plus rapidement possible sur Paris. Et là, à la gare de Pont-Rémy, le premier train arrive et du train descendent deux policiers qui venaient d'Abbeville, l'agent Pruvot et le brigadier Anquier. Et une bagarre se produit et l'agent Pruvot est immédiatement tué par Félix Bourg d'un coup de Browning. Parce que les travailleurs de la nuit s'équipaient aussi d'armes à feu. Hein. Et le meurtre de l'agent Pruvot permet la fuite des trois cambrioleurs. S'organise alors une véritable chasse à l'homme, dans laquelle Alexandre Jacob et Léon Pélissard se font pincer. Et là, l'entreprise ne pouvait que s'effondrer. Et c'est là qu'intervient son procès. Donc on est en 1905. Donc du 8 au 22 mars 1905. Au bout de plus d'un an et demi d'instruction, on sait que le procès va être sensationnel. C'est le juge athée qui écrit, et on a la source dans un rapport de police, il aurait dit « on est en pleine anarchie ». Dans le petit Parisien du 8 mars, on lit « Les bandits d'Abbeville, une affaire monstre, 2 ans d'instruction, 20 000 pièces, 23 accusés, 95 crimes, 1 200 000 francs volés, une merveilleuse organisation ». Les débats de ce procès sont attendus. Dominique Khalifa, vous êtes historien et notamment spécialiste du fait divers. Quel retentissement il a eu, ce procès d'Amiens, donc en mars 1905? Oui, le procès a fait beaucoup de bruit. On est à un moment où les journaux populaires, et pas d'ailleurs pas seulement les journaux populaires, la presse tire à des millions et des millions d'exemplaires. Donc, un bon procès couvert par les bons chroniqueurs judiciaires, assorti de quelques bons mots, comme ceux que Jacob assène tout au long de son procès, bah ça, effectivement, ça fait vendre du papier, et c'est quelque chose qui est extrêmement lu. Alors finalement, il arrive quand même à retourner le public en sa faveur, parce qu'au départ, il raconte lui-même dans ses écrits que les gens l'insultent à son passage, que... Alors, n'oubliez pas qu'on sort là, à peine une quinzaine d'années auparavant, de la grande période des attentats anarchistes, Ravachol, Émile Henry, Vaillant, etc., qui ont terrorisé au sens propre du terme, qui ont fait peur. Et la bande des travailleurs de la nuit, de Marius Jacob, ne fascine pas particulièrement plus que ça. Le changement, c'est le procès, hein, c'est effectivement parce que au procès, il a pu effectivement faire montre d'un personnage assez hors du commun, spirituel, drôle, provocant, qui effectivement a retourné... Pour partie, hein, je dirais seulement pour partie, l'opinion. Jacob, Alexandre, présent. Levez-vous. Non, vous êtes bien assis, vous. Et puis enlevez votre chapeau. Pourquoi ? Vous restez bien couvert. C'est un véritable show qu'il fait, en raillant toutes les victimes, en se moquant du juge, en focalisant sur sa personne. Il va permettre d'alléger le poids sur ses 22 co-accusés. Ses complices. Ses complices. Et donc Jacob est passé de la propagande par le fait, par l'illégalisme, à la propagande par la parole. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'il va écrire ce fameux discours qui s'intitule « Pourquoi j'ai cambriolé ?» qu'il adresse à un journal libertaire, Germinal, pour faire aussi le procès de la société tout entière. Ce qui place immédiatement Alexandre Jacob, j'allais dire, dans la famille des individualistes anarchistes. Le juge athée, qui avait instruit l'affaire, déclare « Jacob est un voleur professionnel. Il organise des expéditions qu'il conduit avec infiniment de méthode et de prudence. » Il juge à propos de tirer vanité de ses vols. Il affecte de les prétendre inspirés par une idée politique. Messieurs, dans les interrogatoires, il a vous appelez un homme voleur et bandit. Ce n'est qu'un paresseux malfaisant. Vous appliquez contre lui les rigueurs de la loi sans vous demander s'il pouvait être autre chose. A-t-on jamais vu un rentier se faire cambrioleur? J'avoue ne pas en connaître. Tout homme a droit au banquet de la vie. Le droit de vivre ne se mendie pas, il se prend. Si je me suis livré au vol, ça n'a pas été une question de gain, de livre, mais une question de principe, de droit. En termes plus crus, sans euphémisme, j'ai préféré être voleur que volé. Certes, moi aussi je réprouve le fait par lequel un homme s'empare violemment du fruit et du labeur d'autrui. Mais c'est précisément pour cela que je fais la guerre aux riches, voleur du bien des pauvres. Moi aussi je voudrais vivre dans une société où le vol serait banni. Je n'approuve et n'ai usé du vol que comme moyen de révolte propre à combattre le plus inique de tous les vols, la propriété individuelle. La lutte ne disparaîtra que lorsque les hommes mettront en commun leur joie et leur peine, leurs travaux et leurs richesses, que lorsque tout appartiendra à tous. Anarchiste révolutionnaire, j'ai fait ma révolution. Vienne l'anarchie. Alexandre Jacob. Il subit deux condamnations, Alexandre Jacob. La première, c'est le 22 mars 1905, travaux forcés à perpétuité. Et la deuxième, c'est au mois de juillet 1905, à Orléans, où il est condamné à 20 ans de travaux forcés pour avoir tiré sur l'agent Couillot, 2 ans plus tôt, qu'avait tenté de l'arrêter. Mais il n'empêche que, même à 20 ans de travaux forcés, c'est le bagne à perpétuité. Mais il le savait. Il le savait pertinemment, puisque, dans sa déclaration « Pourquoi j'ai cambriolé », il le dit en introduction, « La guillotine ou le bagne peut me choper. » Je suis innocent ! Quelle horreur, l'abbé. D'ailleurs, à l'époque, lorsqu'il embarque à bord d'un bateau donc, qui part, je crois, de l'île de Ré et qui rejoint les îles du Salut en Guyane, en fait, il y a les deux tiers des condamnés qui meurent à bord du bateau. Et ensuite, une fois qu'ils se retrouvent au bagne, on dit que la durée moyenne de vie est de 5 ans. Effectivement, ils étaient quelque chose comme 600 bagnards dans le convoi de la Loire qui a amené Jacob aux îles du Salut. Et il écrira, Jacob, en 1932 au député Ernest Lafont, que 6 mois après son arrivée, il restait plus que 128 personnes. Les bagnards eux-mêmes appelaient le bagne la guillotine sèche. Il y passe 20 ans, mais il passe 20 ans aux îles du Salut et à l'île Royale notamment, où là il est quasiment impossible de s'évader. Pour deux raisons. La première, c'est que les courants autour de l'île sont tellement forts qu'elles ramènent les corps immédiatement sur l'île. Et la deuxième, c'est que c'est infesté de requins. Et là, pendant toute cette période de détention, si on peut appeler ça comme ça, il va entretenir une relation épistolaire avec sa mère très régulière, cette mère qu'on a évoquée au tout début, Marie, avec laquelle il entretenait une relation très fusionnelle, semble-t-il. C'est une religion, c'est quasiment oedipienne. Hein. Et recevoir des lettres, écrire des lettres, ça lui permet de maintenir un lien avec l'extérieur. Et c'est pour ça que la majeure partie de ses lettres sont codées. Par exemple, Octave, c'est la police parisienne. va permettre à Jacob d'annoncer une évasion, va annoncer l'arrivée d'un colis clandestin, d'un courrier clandestin, va annoncer un problème survenu au bagne ou va annoncer l'activation, une demande d'activation de réseau auprès de Marie Jacob qui a conservé des relations avec les milieux anarchistes et qui, durant toute la période de détention de Jacob, va multiplier des réseaux de soutien. À tel point qu'elle va réussir à le faire sortir du bagne. Absolument. Il faut considérer que la libération de Jacob, c'est l'œuvre de sa mère. De fait, Marie Jacob a des réseaux anarchistes qui sont toujours là. Elle a des réseaux d'avocats. Elle est entrée dans du réseau gouvernemental. Et si bien que, au mois de juillet 1925, le président de l'époque finit par commuer la peine de Jacob en 5 ans de réclusion à faire en métropole. Et il n'est libéré que le 30 décembre 1927, date à laquelle les portes de la prison de Fresnes s'ouvrent pour lui. Et qu'est-ce qui se passe après alors ? Il va partir dans le Berry, le Val-de-Loire, vers 1934-35. Et il abandonne le vol, c'est ça, pour se consacrer à son activité de marchand forain ? D'après Bernard Thomas, il aurait commis un vol après sa libération pour voir s'il n'avait pas perdu la main. Lorsque vous avez rencontré pour la première fois Alexandre Marius Jacob, Josette, il avait quel âge et vous aviez quel âge ? J'avais 27 ans et lui, je crois qu'il avait 72 ans à peu près. Mon mari était libertaire, anarchiste, et il avait lu, par hasard, le premier livre qui a été écrit sur Alexandre Jacob. Vous parlez du livre d'Alain Sergent, c'est ça ? Alain Sergent, oui. Il a été vraiment emballé par ce livre. C'était en 1951, la première année où on était mariés, on n'avait pas de voiture, on avait des vélos à l'époque. Il a pris son vélo, il a fait 400 km pour aller à Reuilly, donc voir cet homme dont il avait lu le livre. Et la rencontre aboutit sur une amitié quasi fusionnelle. Et elle va durer 3 ans, puisque dès l'époque, Alexandre Jacob a projeté de se suicider. Et Robert Bazas et sa femme Josette vont essayer de le convaincre du contraire. Ils vont même y parvenir puisqu'il leur accorde un an de vie supplémentaire à lui et à Josette dont il est tombé amoureux. Il avait donc 75 ans à l'époque, il avait de l'emphysème, mais c'était pas très grave. Et il nous a dit, voilà, moi je veux pas aller à l'hôpital, je veux pas embêter les amis. Donc, j'ai programmé que je me suicidais cet automne, quoi. Et voilà. Et alors là, on lui faisait des piqûres pour son emphysème. Il y avait une infirmière qui venait lui faire des piqûres. Et moi, je lui ai dit, mais tu n'as pas besoin de dire à ton infirmière de venir faire des piqûres. Moi, je sais faire les piqûres. Ah bon ? Alors, il s'est allongé donc sur son lit. Je lui ai fait sa piqûre et je lui ai passé la main dans cette abondante chevelure qu'il avait. Et je pense qu'il a été ému par ce geste, si bien que nous, bon, on est reparti. Et là, il m'a écrit une lettre en disant qu'il avait eu une espèce de coup de foudre et qu'il ne savait pas ce qui lui arrivait. Alors moi, je lui ai dit, écoute, si ça te fait plaisir de me revoir, tu attends l'année prochaine que je revienne et je reviendrai passer une partie des vacances avec toi. Alors il a dit, d'accord, je veux bien attendre, reporter mon décès à un an. Donc pendant cette année-là, il m'a écrit tous les jours et même la nuit puisqu'il dormait très peu et moi je lui ai répondu tous les jours. Ce qui fait que quand on est revenu, eh bien je suis venu passer un mois. Tout le mois d'août avec lui. Ouais, c'était pour moi, c'était un bonheur de lui donner un peu de bonheur. Vous avez conservé ces lettres, Josette ? Oui, ces lettres sont là, oui. C'est difficile à lire parce que s'il écrivait, c'était des pattes de mouche. Hein. Elles sont là dans une boîte en bois que mon père, qui était menuisier, a faite spécialement pour ces lettres. J'ouvre une lettre et je vous lis la lettre. C'est un poème. J'aime. J'aime. Le reflet de ton âme. Le reflet de ton âme. Le rire de ta bouche. Le rire de ta bouche. La musique de ta voix. La musique de ta voix. L'éclat amoureux de tes yeux. L'éclat amoureux de tes yeux. La puérilité de tes gestes. La puérilité de tes gestes. La franchise de tes pensées. La franchise de tes pensées. La beauté de ton cœur. La beauté de ton cœur. J'aurais aimé pouvoir m'abreuver de baisers à tes lèvres, assouvir mon désir de volupté jusqu'à satiété. Puis, las, tous deux en extase, nous nous reposerons enlacés. Hélas, songe, mensonge, mais quel délicieux mensonge. Marius. Qu'est-ce que vous avez ressenti, Robert et vous, lorsque vous avez appris qu'il était mort? Ben, on a reçu le télégramme d'un de ses amis forains, justement, et avec Robert, on a pleuré toute la nuit. On est resté dans les bras l'un de l'autre et on a pleuré toute la nuit. Pourquoi Alexandre-Marie Jacob décide-t-il de suicider Jean-Marc Delpech? Il envisage le suicide dès 1948, puisqu'il en parle à Jean Métron. Dans la courte correspondance qu'il entretient donc avec l'historien de l'anarchisme, il évoque déjà le suicide. C'est pour ça que, j'allais dire, il va réussir sa dernière évasion, et avec un humour carabiné, puisque dans la lettre de suicide qu'il adresse à ses amis Guy et Louis, qui sont Guy Denisot et Louis Briselance, des marchands forains, qui étaient chargés de s'occuper du corps, on voit qu'il a tout prévu. Pour le cercueil, adressez-vous à Monsieur Blanchet, route de Pody, à gauche. Prière de lui recommander de l'ampleur côté pied. J'ai des corps. Pour l'ouverture et la fermeture du caveau, adressez-vous à Monsieur Laplantine. C'est un artisan habile, avec lui pas d'évasion à redouter. Il demeure route d'Issoudun à droite, sous les premières maisons. Et enfin, pour le constat de décès, faites appeler ce brave docteur à part. N'ayant encore jamais ressuscité personne, j'aime à croire qu'il n'innovera pas avec moi. Amen. Je suppose que mon vieil ami négro m'a suivi dans le bienfaisant sommeil. Linge lessivé, rincé, séché, pas repassé, chez la cosse. Excusez. Vous trouverez 2 litres de rosée à côté de la panetterie. À votre santé. Alexandre, Marius, Jacob. Depuis que le vieux temps et la belle nature ont enfanté le monde et notre humanité. Depuis que le soleil fait naître la verdure, Prolo, tu n'as jamais connu la liberté. Les siècles au poids lourd, appesantis par l'âge, ont passé sur le seuil de ton triste réduit. Mais toujours ils ont vu, dans leur pèlerinage, les prolos affamés sous le soleil qui luit. Prolétaire, il est temps de rompre enfin la chaîne. Merci à Josette Duc, ex Passas, Jean-Marc Delpech, Anne Stenner et Dominique Khalifa, avec des extraits de Le Voleur de Louis Malle, ainsi que de la fiction Marius Jacob, L'Arsène Lupin au drapeau noir, signé Patrick Péchereau et diffusé sur France Inter dans Autant n'en emporte l'histoire. Lecture des écrits d'Alexandre Marius Jacob par Marc Léonet. Prise de son, Laurent Macchetti, Olivia Branger, Étard Bouclifa. Mixage, Alain Joubert. Recherche INA, Marie Chauveau. C'était Alexandre Marius Jacob, anarchiste cambrioleur, un documentaire de Jérôme Sandelars, réalisé par Anna Smuk. Cette émission est dédiée à Josette Duc, qui nous a quittés le 14 janvier 2019. Le sang des tyrans colore son drapeau. «